Il arrive à la fin de sa course. Je vois bien que ce temps est là. Quand le temps du coucher du soleil, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparue. Elle manifeste le festin. Je le crois, c'est vrai, je le crois. Oh, c'est la fin, c'est la fin, voici la fin. La fin. Oh, c'est la fin de la course, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin de toute chose. Pèlerin, pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre le monde et partir. Attention, messieurs, quelle est-il? Il faut vaincre le monde et partir. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin de toute chose. Dieu bien-aimé, notre Père céleste. À toi nos hommages et nos honneurs. À toi nos louanges et notre adoration. À toi nos remerciements et notre reconnaissance. Tu es le Dieu de merveilles. Père de bonté et de miséricorde. Dieu fidèle, souverain et parfait, bienfaisant et incomparable. Sois adoré et béni de ce que tu es pour nous un Dieu exceptionnel. Où trouver un Dieu comme toi? Dont la parole a créé toutes choses. Il n'y a point de Dieu en dehors de toi, Seigneur. Toi, l'unique créateur. L'unique rédempteur. L'unique sauveur. L'unique Dieu. Reçois nos prières. Et prends chacun de nous en ta présence. Pour les tailler à ton image. Inoculer la piété. D'être comme Dieu. De dégoûter les mondanités, de rejeter toute souillure, tout mensonge, toute perversion, mais nous plaire dans tes voies. Être à l'aise dans ta volonté. Être à l'aise dans l'obéissance à l'évangile. Être à l'aise dans la foi restaurée. Résister contre les fausses doctrines. Et défendre l'absolu de la Bible. Advienne que pourra. Rends chacun de nous capable de cela. Pour ne pas tomber dans des sentiments charnels. Ni adorer les émotions, mais que nous puissions adorer le Dieu de vérité, le Dieu de l'amen, en nous inclinant devant chaque vérité. Rends soin de nos âmes, affermis-les davantage dans la vérité présente. Et parle à chacun de nous, en cette heure tardive où nous vivons, pour saisir l'état d'urgence, comprendre qu'il y a presque plus de temps, et que nous devons être prêts et en éveil à tout instant, car Jésus revient. Exauce notre prière, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur ici dans la Sainte Bible. Nous lisons dans Ézéchiel au chapitre 7e. Là, c'est l'Ancien Testament, le verset 5 à 7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur unique, voici il vient. La fin vient. Elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, les jours approchent, jours de trouble et plus de cris de joie dans les montagnes. Suka yango ekomi. Yango ebeti na likolo na yo. Tala yango ekomi. Likamba na yo esilinde kokomama na yo. Yo mpe movandi na mokili oyo. Tango ekoki. Mokolo na yiki ebelemi. Pe mokolo na konganga na esengo na likolo na nkekete. Apocalypse chapitre 16e. Emoni seli mokapo ya zomi na motoba. Apocalypse 16. Nous lisons le verset 12. À 14. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète. Trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat des grands jours du Dieu Tout-Puissant. Oyo na motoba asopimbe ki na ye na ibale yango monena pelata. Ma yango bakauki ete nzela ebongisama mpona bakonzi bakolongwaka na ibimelo na ntango. Na moni milimo na mbindo misatu lokola mbemba kobimaka na monoko na dalakona mpe na nyama mpe na mosakoli na lukuta mpo ete bazalinde milimo mabe kosalaka bilembo ba oyo bakei epai na bakonzi na mokili nyonso koyanganisaka bango mpona etumba munene na mokolo yango munene na nzambe mozwi na nguya nyonso. Luc chapitre 12. Luka mokapo ya zomi na mibale. Nous pouvons lire ceci, c'est dans le Nouveau Testament encore. Verset 40. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir bien aimé. Nous souhaitons à chacun de vous bienvenue à la table du Seigneur. Vous ne dites rien? Voilà, on a dit que Dieu vous bénisse. Plusieurs sont restés silencieux. On vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. C'est le silence, comme si on est fatigué. De dire Amen. Voilà, nous ne nous fatiguons pas de servir Dieu. Nous ne nous lassons pas de faire le bien. Et dire Amen à la parole, c'est dit bien dans la Bible. Dieu lui-même l'a ordonné. Quand il prononce sa parole, il le prescrit à l'avance et dit, tout le peuple répondra et dira Amen. Bon, parce qu'il nous l'a appris, nous devons le faire. Et notre vie se trouve en cela. Que Dieu soit loué. Nous avons examiné la nécessité d'attendre l'enlèvement à tout instant, à tout moment, dimanche dernier. La pensée en question ne vient pas de votre frère prédicateur. Elle est biblique. Et nous devons nous y conformer. Car personne ne connaît ni les jours ni l'heure. À cause de cela même, tenons-nous prêts à tout ça. Soyons veillants. Soyons vraiment veillants. Dans Marc au chapitre 13, vous le savez, le Seigneur est assez précis lorsqu'il nous exhorte et nous parle. Et si quelqu'un a des oreilles, qu'il veille bien se conformer à ça. Marc 13, versets 35 à 37. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Vous ne savez pas quand il viendra. Alors, ça, il ne faut pas que vous ne connaissez pas. Il faut de veiller. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant des coqs, ou le matin, vous ne savez pas. Soko na pokwa, soko na midi na butu, soko na kolela kana soso, soko na tango nini boyebite. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Soudaine. Bokenge la ka ete, aya no kite kozwa kabino na pongi, na poisson. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez! Veillez! Veillez! Oyo mpe nazali kolobanabino, nazali de kolobanabatu, nyosete, bokengelaka, bokengelaka. Le Seigneur ordonne à tous, sans exception, prédicateurs, diacres, pasteurs, membres de l'église, choristes, conducteurs de chants, administrateurs, ou je ne sais quoi. Veillez, tout le monde doit veiller. Ça concerne tous ses croyants, toute son église, tous ses fidèles hommes et femmes, tous les disciples de l'évangile, tous ceux qui croient en Jésus-Christ et attendent son retour. Parce qu'il y en a qui n'attendent même pas son retour. Comme le rousseliste ou les témoins de Jéhovah, comme les catholiques et consorts, n'attendent même pas son retour. Donc, ils se sont exclus de ceci. a bien voulu qu'ils soient inclus dedans. Eux-mêmes, à cause de leur doctrine fabriquée, ils se sont exclus du devoir de vigilance. Ils refusent de croire à son retour. Ils refusent de préparer son retour. Ils se préparent à la mort, à mourir. Ils sont tellement convaincus que nous sommes poussière et nous retournons en poussière, c'est qu'il y a une partie de vérité. Et que c'est ça la fin de tout homme, comme dit aussi la Bible. Donc le rendez-vous de tous les vivants, c'est la tombe. Comme avait dit Job autrefois, mais ils ne veulent pas pousser leur foi plus loin que ça. Nous ne prenons pas une partie de la parole, mais nous prenons toute la parole. Il est aussi écrit que nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. C'est écrit que, comme Job a dit, je sais que tu m'amènes à la mort au rendez-vous de tous les vivants. C'est et que les gens savent que les vivants savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Donc les vivants ont confiance, ils ont connaissance. Ils le savent qu'un jour ils mourront. Et Job appelle cela le rendez-vous de tous les vivants. Mais il est aussi écrit, je vous dis un mystère. Et ceci a déjà été révélé. Ce n'est plus gardé par Dieu seul. L'évangile, il a révélé cela. Depuis le temps de l'apôtre Paul, il a révélé cela. Je vous dis un mystère, c'est que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alors tous doivent veiller. Tous ceux qui sont concernés par la promesse du changement de leur corps, qui croient lors de la venue du Seigneur, doivent veiller. Ils doivent veiller. Lisons dans Philippiens chapitre 3, verset 20-21. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'attendons. Nous ne refusons pas de l'attendre, mais nous nous l'attendons. Comme Paul et les saints de son temps, nous l'attendons, nous. Qu'est-ce qu'il fera son retour? Qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mais parce que nous croyons ce changement qui vient, et que c'est Jésus-Christ à son retour qui opérera la transformation de nos corps, alors nous nous préparons en conséquence pour nous tenir prêts à son arrivée soudaine. Et en attendant ce moment-là, nous conformons à l'ordre du Seigneur et de nous tenir prêts à tout instant, à tout moment. Car nous ne connaissons pas quand est-ce que cela va se produire. Nous sommes sincères et nous sommes honnêtes avec la parole de Dieu. Ici, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, un aspect de cette promesse nous dit ceci. Ça nous dit ceci. Verset 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça se fera absolument. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Biso bato na bomoi ba oyo batikali tokonetwa kati na mapata po kozoma na nkolo kati na mopepe esika moko na bango mpe bongo tokozala libela esika moko na nkolo. Ça se fera absolument. Oh, tolobio, ekosalema. Ça se fera très très bientôt. Ekosalema nzoka nde kala mingi te. Notre départ sera soudain et secret. Kokende na biso ekozala ya kwasa pe ya sekele. Le monde n'en sera pas alerté. Mokili mokoyeba likambo te. Le Seigneur vient et prend ceux qui sont prêts et se fait. Solo akoye azuba oyo ba milengeli pe esili. Fachele. Boyeba bongo. Il n'y aura pas une pancarte universelle qui sillonne les nations. Et comme un avion qui survole. Et pour la vérité qu'il y a l'enlèvement maintenant. Rien du tout. Et comme ces gens qui font de faux rêves. J'avais vu une vision et c'était grandiose. J'ai vu le ciel changer. Et puis, c'est comme s'il y avait des lumières qui clignotaient. Les décors changeaient. C'est un tour rouge sombre. On dirait qu'une grande annonce allait se faire. Et puis j'ai compris que c'était la venue du Seigneur qui est arrivée. Et tout le monde était alerté. Non, tout le monde ne veut pas être alerté. C'est faux. Oh, nous avons commencé à voler comme des oiseaux dans le ciel. C'est faux. Nous ne deviendrons pas des oiseaux. Dieu ne nous a jamais créé des oiseaux. Il nous a fait des humains. Nous n'allons pas devenir des oiseaux pour voler dans le ciel. Nous serons des humains qui seront enlevés. En tant qu'humains, mais transformés. Avant cela, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous ne pouvons pas boucher les oreilles à ça. C'est notre devoir sacré de le faire. Nous consolons malgré toutes les déceptions, les frustrations, les épreuves, les tribulations de ce monde. Le Seigneur viendra soudainement et secrètement. Il nous prendra pour que nous soyons toujours avec lui. C'est sûr et certain. Et le changement de nos corps est aussi certain. Comme nous l'avons dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. La parole dit ceci. Verset 50 à 52. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter les royaumes de Dieu. Et que la corruption, nos corps corruptibles ici, n'hérite pas l'incorruptibilité. Bande konazali koloba oyo ete. Musuni pe makila ikokisa kozoka bokonzi na nzambe te. Oyo ikopolaka, ikosangolaka yango ezangi kopolate. Donc, pour notre entrée dans le royaume de Dieu, nous ne bornons pas à des théories fantaisistes du genre « Papa Koufi, moi Nazui ». Ou que le temps du papa est passé, c'est maintenant le temps du fils. En somnolant et en rêvant comme cela. L'héritage n'est pas automatique. Pour passer de cette vie et de ce corps que nous avons, le royaume de Dieu, il faut un changement. Une transformation. Parce que quand un papa meurt et que son fils prend le bâton pour la famille, le corps de son fils ne change pas. C'est le même fils que le papa avait élevé, c'est le même fils qui continue à pousser les cheveux et qui va avoir une calvitie ou des cheveux blancs. Ils allaient être ceux qui t'attaquent moi dans Zui, Kokambanesika, et t'attaquent à Yélingu, Kolobati, et moi dans Zoto Bongo, mais pour être allé bober moi dans Gomo, Komo, Tata Botaki, Père Abokolaki, moi dans Gomo, Kokola, qui n'a été habillé, mais sous Pébeto, Ibandi. Alors, vous n'allez pas dire, bon, notre Seigneur Jésus, Dieu notre Père, devenu notre Rédempteur, il est mort, et nous sommes héritiers de tout. Et c'est dire, nous allons entrer au ciel dans la facilité, c'est acquis automatiquement. Non, frère, nos corps doivent changer. Et pour que votre corps change quand ce moment arrivera, vous devez avoir une foi en vous suffisante pour déclencher cette transformation. Amen. Sans quoi, le changement ne vous concernera pas. Il faut que le niveau de votre foi personnelle soit capable d'accueillir la transformation complète de votre corps et d'expérimenter cela. Jugez-vous vous-même. Père Brenham me dit, si vous n'avez même pas assez de foi pour croire en la guérison divine de votre carie dentaire, alors la foi de l'enlèvement, n'en parlons pas pour vous. Donc, Père Brenham a dit, ce qui est en train de se faire, c'est que vous avez dit que vous avez dit Si nous ne croyons même pas que Dieu peut te guérir d'une carie dentaire. Et nous savons que tu ne crois pas lorsque ce que tu prétends être la foi ne produit aucun effet, aucun résultat. Si nous trompons du matin au soir, j'ai la foi. Je serai guéri de la carie dentaire. Toi, tu le dis pour flatter. Mais Dieu connaît ton cœur. Si la foi y est vraiment, Abraham dit que la foi parfaite produit les résultats dans l'immédiat. La foi parfaite produit les résultats dans l'immédiat. Est-ce que ta foi à toi produit les effets? Oui, il faut toujours attendre des millénaires et des centenaires. Non. Des fois, vous avez de la foi. Quelque chose qui ressemble à la foi, mais pas la foi elle-même. Des fois, vous avez la foi intellectuelle. Vous confondez vos raisonnements, vos appréciations avec la foi qui est une révélation de Dieu. Dieu ne vous a pas révélé votre guérison, mais votre bouche est pressée comme une diarrhée à débiter des histoires, à raconter des paroles et dire des choses pour faire plaisir à votre bouche vous-même. Oh, examinons-nous pour voir si nous sommes dans la foi. C'est très important, chers amis. Alors, si vous voulez, vous examinez vous-même pour voir si vous êtes prêt à recevoir la transformation du corps promise au retour de Christ. Retour se produira à tout instant, à tout moment, vous savez. Car aucun de nous ne connaît ni les jours, ni l'heure, ni la période du jour ou de la nuit, où cela se fera. Secret absolu du Père Céleste. Mais avec la vie que tu mènes là à tout instant ici, la maladie qui ronge ton corps fait des années, mais n'arrive jamais à partir parce que tu n'as pas assez de foi pour la chasser. Tu n'en as pas et tu le sais. Mais seulement tu auras assez de foi si je suis venu cette nuit pour expérimenter le changement de ton corps, tout le corps. Si la foi pour changer une partie du corps malade, il n'y en a pas. Mais tu auras seulement la foi, subitement, pour que ton corps tout entier change. Il devienne incorruptible, immortel. Vous pensez? Tu n'as pas la foi en la guérison divine, mais tu veux me dire que tu as la foi dans le changement de ton corps, tout le corps. Le message était dit, non, tu mens. Ne te flatte pas toi-même. Rentre en toi-même. À l'allure où tu marches, hein, les désillusions viennent devant. Réveille-toi du sommeil. Aide de la son présence. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu. C'est lui qui suscite la foi. C'est lui seul qui l'amène à la perfection. Quand nous démontrons que tu n'as pas assez de foi pour ceci et pour cela, et donc tu n'en auras pas, hein, miraculeusement comme ça, pour le changement de tout le corps. Il ne faut pas écouter ça religieusement, froidement, et puis retourner à la maison comme un idolâtre, ne rien faire à son sujet, espérant qu'un jour tu seras enlevé. Tu seras désillusionné. Allez dans la présence de Dieu et ne quittez pas. Restez là tout le temps jusqu'à ce que la foi naisse, la véritable, qu'elle croisse et atteigne le bon niveau. La perfection capable de produire les résultats instantanément. Dans la prédication, la nourriture spirituelle est inconvenable. À la première page même déjà. Prends un âme dit qu'en ce temps-ci. Nous avons besoin d'avoir la foi plus que jamais auparavant. Nous avons besoin de la foi plus que dans tous les âges qui nous sont précédés. Nous avons besoin d'avoir la foi de l'enlèvement. Une foi capable de nous élever. De la terre vers le ciel. Nous en avons besoin maintenant. La foi de cette heure-ci. La foi qui prêche le message de cette heure-ci. C'est la foi capable de nous élever de la terre. Pourquoi? Il est écrit qu'Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Puis il ne vit plus parce que Dieu l'est pris. Il marchait dans la foi. Pas à pas, progressivement. Montant d'échelon par la racine. Et à un moment donné, son enlèvement a eu lieu comme une promenade d'après-midi. Il est sorti de chez lui, laissant famille et enfants, mais il n'est jamais plus rentré là-bas parce qu'il a fini sa course au ciel. De même que notre fils enlevé, nous aussi nous attendons l'enlèvement. Dans le septième âge de l'église, lui et notre le septième après Adam. Et nous sommes le septième groupe de rachetés après le second Adam Jésus-Christ. Et même que notre a été enlevé, et même nous serons aussi enlevés. Et ça se passera pareillement. Donc ce n'est pas par une sophistication. Mais c'est par un progrès dans la marche avec Dieu. Notre marche ne doit pas être stationnaire. Notre marche doit être progressiste. Allah pas à pas, ne marquant pas le pas, ne traînant pas en arrière, ne regardant pas en arrière, mais ne regardant en avant, oubliant ce qui est passé, et allant vers le progrès. Tant Abandonnant les distractions. Vous laissez différer le parcours. Concentrez sur l'objectif céleste. Le but de la vocation céleste. En Jésus-Christ, notre sauveur. Il t'a appelé pour un but et il doit faire des réalisations en toi. Dispose ton cœur, dispose ton être. Parce que lui accomplisse sa pleine volonté. Il accomplisse en toi sa pleine parole. Il réalise en toi tout ce qu'il a prévu. Et quand rien de toi ne devient une barrière à l'accomplissement de son merveilleux plan. Il t'a prédestiné pour le salut. Laisse que son salut devienne palpable. Que le Seigneur l'accomplisse en totalité. Et dans la joie. Dieu nous donne en Christ un salut joyeux. Un salut joyeux. Qui nous fait accompagner des joies. Dans mon milieu de dures épreuves, ta joie sera toujours au rendez-vous. Plus forte que les surprises, plus impactante que les négations de la vie. Elle a plus de pouvoir sur nos âmes. Cette joie du salut. Tu dois l'expérimenter. Hein? Alors il faut que tu aies une foi suffisante. Même chose avec les malades. Nous pouvons prier pour eux, imposer les mains, les rassurer par des exhortations, nous déverser des fois quantité d'huile. Et que c'est l'onction d'huile. Si la foi du cœur n'a pas atteint le niveau suffisant pour déclencher la guérison divine, il n'y aura rien. Il peut secouer, acquiescer de tête. Oui, je crois. On peut répéter ça autant de fois. Et changer même de cadre, changer de formule de prière. Multiplication aux jeunes. Les jeunes ont veillé de prière et tout ça. Quand la foi n'a pas atteint ses limites. Ce qui ce sera sans effet. Le résultat sera le retour aux vieilles recettes traditionnelles de fabrication humaine. Il faut recourir à ces formules pour espérer voir un quelconque changement. Mais la foi n'a besoin de rien comme support. À part la parole de Dieu elle-même. La foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on a la parole de Christ. Son unique support éternel. C'est ce que Dieu a dit. Parce que le médecin et le pharmacien dit. Mais ce que Dieu a dit suffit pour la foi. Une parole de la bouche de Dieu. Pour plus que toutes les ordonnances médicales. Rendre Dieu au mot, voilà le secret. Et comme a dit notre précieux frère Branham, les choses impossibles deviennent possibles. Comme ça, rien que ça, un mot de la bouche de Dieu, ça suffit entièrement, ça résout complètement le problème. Comme avait dit le centenaire romain, le poids là, je ne suis pas digne que toi tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. J'ai besoin d'attendre ça, et je croirai mot à mot. Je prendrai ta parole immédiatement comme étant réel et effectif, comme étant solution définitive. Sans me poser des questions. Y avait-il que ça à faire? N'aurais-je pas oublié quelque chose d'autre? Oui, il y avait que ça à faire. Nous n'avons rien oublié d'autre. La parole du Seigneur suffit. Amen. Mais quand vous avez une foi hésitante, tremblante, incertaine, vous verrez que la parole du Seigneur ne suffira pas. Donc Dieu aura parlé, mais vous vous mettez toujours en vous là, il y a quelque chose que vous devez faire par vous-même. Que si vous ne faites rien, il n'y aura pas les résultats. C'est comme si la parole ne suffit pas, mais il faut une œuvre personnelle, humaine, quelque chose que vous faites par vous-même, qui puisse vous rassurer, comme je fais ça, et donc il y aura des résultats, il y aura un changement. Parce que l'homme aime se confier en ses propres œuvres. Il aime compter sur ses propres efforts. Il aime faire confiance sur ses propres réalisations. Ah, ça c'est faux. Dans le domaine de la foi, c'est pas là le chemin. Dans le domaine de la foi, sur ta parole, jugerai. S'il y a un plus à faire, que ce soit la parole qui me dit de le faire. Pas ma pensée, mais ce que Dieu lui-même me dit de faire. Il a dit que par ses meurtrissures, nous avons déjà été. La parole pour le cas des maladies, non? Dites-moi maintenant, par rapport à cette promesse, qu'est-ce que toi, malade, tu as à faire pour avoir la guérison? Sincèrement. Si tu es sérieux avec ce que nous lisons, quelle que soit ta maladie, vieille ou nouvelle, aiguë ou chronique, grave ou légère, qu'as-tu à faire pour avoir sa guérison? Lui dit que par ses meurtrissures, nous avons déjà guéri. L'acte, c'est lui qui l'a fait. La guérison est un acquis pour nous qui croyons. Cette parole seule suffit. Toi malade, tu n'as rien à faire. Si tu crois cette promesse, tu n'as rien à faire. Aucun rendez-vous à prendre. Aucune ordonnance à exécuter. Aucun médicament à acheter. Par ses meurtrissures, tu as déjà été guéri. Mais savez-vous ce que nous faisons? Ça ne me rassure pas suffisamment. Malgré ça, je dois faire quelque chose. D'ailleurs, même Dieu n'est pas contre ça. Mais Dieu ne t'a pas obligé cela. Hein? Il n'est pas contre, c'est vrai. Mais il ne t'a pas obligé de le faire. Oui, il te dit que par ses maîtrisures, tu as déjà été guéri. Ça ne suffit pas pour rassurer. On ne veut pas prendre Dieu au mot. À ce sujet-là, écoutez. Vous devez être équilibré, vous savez. Mais qui a dit que cette parole est déséquilibrée? Qui a dit que cette promesse-là est déséquilibrée? Mes chers amis. Comment ça prouve l'équilibre? C'est bien. Qui a appris que la promesse que nous citons ici est déséquilibrée en elle-même? Nani alobina yote et la katozan kolobelo et zana mupanzi moko. Comme notre incrédulité s'alimente. Elle s'alimente et ne veut pas s'avouer vaincue. Elle se défend, elle se débrouille. Mais c'est toujours l'incrédulité. Comme a dit le père de l'enfant épileptique. Je crois. Mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois que j'ai déjà été guéri. Mais dans les faits, dans le concret, je suis un incrédule. Je ne me sens pas capable de ne rien faire pour ne croire que ce que Dieu a dit là, sans craindre la mort. aussitôt les idées de mort vont m'envahir et me troubler. Quand je vais dire, je reste comme ça, par ces meurtrissures, j'ai déjà été guéri, la température monte de 38 à 41, et puis les doigts commencent à trembler, le cœur bat très vite, la coloration commence à pâlir. Oh! Je me dis, c'est guéri. Je suis en train de mourir plutôt que de guérir. La Bible dit que c'est guéri, mais non, ça s'aggrave plutôt. Quand on s'arrête à la parole, les choses se gravent, la situation s'empire. Donc, ça c'est ce que mes yeux me montrent, mes cinq sens me disent. Oyo miso na ngai na biyebeli na ngai nzoto mitano ezali kotalisa ngai ezali ete ya solo lilobi lobi ete na mapipi na esili kobikisa makasi na ndimi yango bongo moto ezokobuta elongwe na tuku misato na mwambe kobi tuku mine na moko nzoto ebandi kolenga nzoto utali elongi nete makila esili wana wayo bien-aimé omoni balinga et alors on dit non ça ne suffit pas. S'arrêter à cette promesse, c'est accepter d'aller vers la tombe. Un autre raisonnement, une nouvelle conclusion qui se développe. Et ces idées-là nous fascinent beaucoup plus rapidement. Nous envahissons en perchouade. Il faut vite faire quelque chose. Allez à l'hôpital. Et Jésus dit, homme de paix de foi. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu peur? C'est la peur de la mort. Au fait, c'est ça. C'est par la peur de la mort qu'on se précipite à faire des choses et on dilue la foi dans la promesse infaillible de Dieu. Et madame, l'incrédulité va s'approcher pour dire, moi si oh mon zangé condiment comme elle m'a pas connu pour les toi tu forces, c'est du forcing. En réalité on peut voir que tu n'as pas même cette voix là mais tu forces seulement et c'est par hasard que ça peut marcher, par hasard. Alors bien tu es au sol quand ça la boyo télémédic condiment les aliments tu consales à manamaka et quoi qui me paye, nous nous connaissons plusieurs qui sont morts comme ça, qui sont perdus les membres de leur famille, qui pensaient avoir la foi. Oh alors bien tu es zangé na condiment et puis ils sont morts, ils ont enterré ou fi pensaient avoir condi bango. Nous, on ne va pas suivre ce chemin-là. Mais s'arrêter à la parole. La peur, marchant de pair avec l'incrédulité. Mais un tel monsieur qui ne croit pas en la guérison divine, il lève la main pour dire, Jésus reviendra, je serai enlevé aussitôt. Amen. Ce n'est pas parce que tu as fait ça que tu partiras. Les problèmes restent complets. Tu n'as pas assez de foi, quand Jésus vient, ton corps ne changera pas. Et tu vas le réaliser à tes propres dépens. Tu vas palper ça malgré toi. Mais ce sera trop tard pour changer quoi que ce soit. Ton sort virera au rouge. Mais pour ceux qui ont la foi et s'accroissent dans cette foi, appuyés sur la parole du Seigneur. Écoutez ce qui est dit. J'étais dans 1 Corinthiens 15, verset 50-52. Voici ce que j'ai dit, frère. Ou ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Bandeko nazali koloba oyo ete. Musuni pe makila ikoki kozwaka bokonzi na nzambe te. Oyo ekopolaka ekosangolaka yango ezangi kopola te. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Tala, nazali koloba na bino likambo li bombami. Bisonyo soto kolala te, ne bisonyo soto kobonga motindo mususu. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptible et nous, nous serons changés. na mwa tango moke moke na tango na kubweta nisu wana ekoyula kelelo na suka zambi kelelo ekolobaka mpe bakufi bakosekwa na kozanga kopola mpe biso tokobonga mutindo mususu. Maintenant, si tu n'as rien le niveau que tu n'as pas cette précieuse foi de l'heure dont nous parlons. Que tu n'as pas atteint le niveau. Quand la trompette en question sonnera, vas-tu l'entendre? Parce que ce n'est pas tous les habitants du monde qui l'entendront. Ça te passera inaperçu. Il n'y aura côté. Il y aura les élus, les vrais élus du Seigneur qui seront engagés déjà dans un processus irréversible, mais toi tu continueras à rêver à côté d'eux. Continuant ta bonne vieille vie traditionnelle et les habitudes et les défauts et tout ça, continuant dans ta routine, dans ton formalisme, mais les élus déjà dans un processus irréversible. Zokande et Kozala Naba Ponami, Bazalina, Kokende Liboso, Penzana Kozonga Simata Mukete. Zokande yo Kozala Mopanzi na Bango. Yo osali kokobaka bobele na mimesano na yo na ndengo mesana na mabe oyo yebiete mabe na yo wana ekomi ya yo osali kokoba nango kasi baponami bazali na kokenda liboso e bakoki ata kozongola simate yeneme balinga. Quand le Seigneur dit tenez vos prêts, tango kola lobete bokengelaka, cela sous-entend que vous devez vous préparer. Yango elingi kolobete moko na moko sengeleta mibongisi. Sans préparation personne ne sera prêt. Soki mutu wa mibongisi te moko te komi leli senzela. La préparation est obligatoire. Amen. Kubongisa ma etinisa milokola mitindo. Chacun doit le faire. Moko na moko sengeleta sale na yango. Je reviens à Luc 12 verset 40. Nazali kozonga na Luc 12 na mibale mulongo tukumine. Vous aussi tenez-vous prêts car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Bino pe bomi senzela. Pwete mwana na moto akoya na tango oyo bokokanisa kati. Et pour atteindre cet état d'être prêt, pona kokoma na musando oyo ya komisenzela. Vous savez que dans Apocalypse chapitre 19, il est écrit une vérité indissociable. Boyebe tera emoni selizomi na libwa. Balobeli solo moko oyo tokoki kokabola te. Apocalypse 19 verset 7. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse se préparait. Amen. Tose pela, tose la na esengo. Toko kumisaka ya pwete, libala na mwana na mpate ya silinde koya, mwasi na ya silinde komi bongisaka zoto. Avant même d'annoncer qu'elle soit prête. Vous savez pas ça pwete ya silinde komi lengela. L'écriture indique sa préparation préalable. La préparation est indispensable. Ouais. Vous ne pouvez pas être dispensé de ça. Dans Matthieu 25, la même vérité nous revient. Vous connaissez la parabole de 10 vierges, 5 sages, 5 folles, parabole. Verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Bongo. Alors, les parlent de l'épouse, ici il est question de l'époux en question. L'époux de l'épouse. Naemoni sa lizomi na libwa ezali kolobaka na ntina na mwasi na libala kasi aba kolobelaka mobali na libala yango bongo bokonzi na likolo ekozala lokola baseka zomi ba oyo bakamataki minda na bango mpe bakendaki kozwama na mobali na libala. Verset 2. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Symbolique. Mitano na bango bazalaki bilema mpe mitano na mayele ezali nde. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alors verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Verset 7, l'impact de ce cri de minuit. Le résultat que ça produit, les effets de cela sur les vierges. Verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. biso balongi na pongi mpe ba pongi saki nina na bango. Et dans le sermon intitulé l'enlèvement, penalisana bosa kolo ya bianga mi koreto la. Le frère Branham parle du temps de préparation. Ndeko Branham azali koloba na tango ya kobongisama. En commentaire avec son verset biblique ici. Akobakisa kamaloba na mulongo oyo. Il y a un temps précis de préparation. Ezali na tango erongo bali mpenza mpo na kobongisama. Et ce temps est celui dans lequel vous semez le mouvement. Depuis que le 18 juin 1933, l'ange est descendu donner la commission, la première commission William Branham. Il utilisait les mots précis. Maintenant que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera la préparation. Qui préparera ma seconde venue dans le monde entier. Na bongo apesa kie maloba mayokami penza malamu. Alobi mpela makona tinda kiyo wana mbati siko bongi saka. Mwai nangai ya liboso. Tindiona sangu oyo kubongisa. Wapa zani koloba kubongisa. Wapa kubongisa mwai nangai ya mibale kati na mkili mbimba. Depuis ce jour là. Utana mpolo wana. Jusqu'à l'enlèvement de l'église. Ina na paleta la mwana ekelezi. Nous sommes dans le temps de préparation. Tuzali mbea na tango kubongisa ma. Tous ceux qui entendent le cri de son message. Wanyo sa papa okata. Kunganga na sangu. Wav se prepare. Usana ya kebo mbongisa ma. Que le soit de vierge folle ou sage. L'impact du cri est universel. Mais pour autant, le sens du cri n'est destiné qu'aux vierges sages qui devront entrer. Mais les effets de cela bousculer tout le monde pour se préparer à ce rendez-vous. Alors le Seigneur a prévenu, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car plusieurs chercheront à entrer, mais ils ne le pourront pas. Autrement dit, ils seront déclassés. Éliminé de la course. Dites-moi la vérité. Ils seront déclassés. Luc 13, verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Amen. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, même les vierges folles d'ailleurs, et ne le pourront pas. C'est ça, ils ne le pourront pas. Elles n'auront ni possibilité de pouvoir entrer. Mais seront éliminées. Disqualifiées. Alors pour votre part, efforcez-vous. Efforcez-vous, ne prenez pas les choses à la légère comme un héritage acquis d'avance. Papa, papa et l'équipe, oh, étant au moine. C'est pas ça. Vous devez vaincre. Vous devez vous préparer. Car sans préparation, personne ne sera prêt. Mais chacun doit me dire ici, tel que vous m'entendez là, en quoi consiste sa préparation? Tous les jours ici. Mon consiste à faire quoi? Pour montrer que tu te prépares à l'enlèvement, tu fais quoi? Mon colo, mon colo, prenez la journée d'aujourd'hui, depuis le soleil levant jusqu'à maintenant. Le soleil venait de se coucher. Qu'as-tu fait sur le compte de ta préparation à l'enlèvement? Dans les actes, les programmes, les itinéraires et tout ce qui s'est passé dans ta vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé de concret que tu peux attribuer ou mettre sur le compte de ta préparation? C'est aujourd'hui tu ne trouves rien. Hier mardi. La journée d'hier, il n'y avait pas d'huile d'ici. Le sang est là qui tient. Depuis le matin jusqu'au soir, même la nuit. Qu'est-ce que tu as fait de substantiel, de concret? Parmi les actes et tes programmes, tout ce que tu as fait, qui comptera comme préparation à la naissance. Qui démontrera que tu te prépares chaque jour au quotidien. Si hier mardi tu ne trouves rien, reprenons la journée de lundi. Qu'est-ce que tu avais fait ce jour-là, après notre culte du dimanche ici, que tu puisses appeler acte préparatoire. Si tu ne trouves rien, à l'instant où nous sommes ici, demain ce sera jeudi, il y a des agendas, des programmes, des tâches que tu penses faire. Qu'est-ce que tu as prévu pour demain jeudi? Sur le compte de ta préparation à l'enlèvement, qu'est-ce que tu as prévu de faire? Peut-être rien. Maintenant la question après tout ceci, est-ce qu'en réalité tu te prépares? Après c'est réquisitoire ici. Est-ce que en réalité toi là tu te prépares vraiment à l'enlèvement? Soyons sérieux. Batanga peyo na lolengo yoboye. Pokeiti lundi, quel autre côté? Lobi jeudi, aucune idée. Bon, maintenant tu t'attends à aller au ciel. Comment? Comme un cadeau de circonstances, cadeau surprise de Dieu. N'était-ce pas bon? Nous avons quoi? Poisson. Aïe, quand bon? Attali, qui peut naître? Allons pour lui quoi? Même on a là. Est-ce que ça va se passer vraiment comme ça? Et vous savez, mes paysans bongo? Est-ce que tu te prépares vraiment? Moi, attends comme bon ça paysan. On voit celui. Il prépare un voyage, mais il mène les démarches dans ce sens. Il va chercher les documents de voyage. Les passeports d'abord. Qu'on doit avoir avant tout. Si on veut sortir du pays. Sinon c'est le ticket d'avion. Qu'on doit réserver à l'avance. Et pour avoir le cœur net qu'il va effectivement voyager, il voudra avoir le ticket en main, bien payé et certifié original. Et pour le départ au ciel, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le passeport, c'est la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Pour dévoiler votre identité de fils de Dieu. Vous devez naître en tant qu'enfant de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de petit-fils. Vos arrières, vos parents avaient servi Dieu. C'est le paradis du fils que vous aussi vous êtes fils de Dieu, fils de Dieu. Vous devez avoir une expérience personnelle. Naître de nouveau vous-même. Ce sera dit, personne ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît de nouveau. C'est individuel. Personnel. Est-ce que vous en avez passé pour? Parce que vous avez un passeport. Vous avez un passeport, vous avez une identité. Vous avez un Rwandais, un Zimbabwéen. Moi, je suis un diable. Ça, c'est savoir clairement. On ne doit pas laisser un flou autour de ça. Ou commencer à contourner ou fuir la question. Il faut trancher clairement. Vous devez naître de Dieu. Naître d'eau et d'esprit. Ça doit être vérifiable. Comme dans le naturel. Si vous êtes né d'une famille, votre généalogie est traçable. On sait décrire où et quand vous êtes né. Et de quel père il venait d'où et de quelle mère il venait d'où. On trace la lignée, on prend le lieu de naissance et on peut établir votre identité. Mais quand toi tu ne sais pas qui est ton père, qui est ta mère, ou tout ce que tu peux compter comme père et mère, ce sont les parents biologiques terrestres. Il y a un problème. Là il y a un problème. Il faut démontrer ton affiliation céleste. Talisa nanu ete ozali mwana ya Lola. Tes origines célestes. Yete bi pa uta na Lola. De la part de Dieu. Uta na nzambe moko. De la part du Père. Uta na tata. Comment tu es venu au monde? Ndenge nini oyo na mokili? Ta naissance avait eu lieu comment? Mota moya yo isala makini. C'était quand? Tambo nini? Après ça? Na sima na yo. Le ticket. Aussi ça saipi. Et pour toi qui a l'identité, yo muto yo le ticket joue aussi l'effet de visa. Pour aller partout où Dieu a prévu de, que sera acheté, iré. Et c'est au ciel, oui, Dieu partant. Mais ensuite, il y a le colisage. Il y a des colis que vous allez prendre pour le voyage. Les sacs à main. Les habits à porter, prévoir peut-être un petit départ, avoir la provision, l'argent, et tout ceci. Mais Dieu aussi a des choses pour ses enfants. Pour toi, tu ne prends rien. Il n'y a rien. Et tu fais seulement aller au ciel. Dieu a les 9 dons dans la Bible. Il a les 5 ministères. Il place là sur le compte des voyageurs pour aller au ciel. Mais en toi, il n'y a rien. Ni la naissance. Ni le ticket, ni le visa, ni aucun don. Donc tu fais seulement des va-et-vient à l'église et c'est ça ta préparation. Des va-et-vient. Allez, revenir. Allez. Mais les choses substantielles, il n'y a pas d'acte qui se pose dans ce sens-là. Que tu n'as pas, tu ne cherches même pas. Nouvelle Testament, c'est le cadet de tes soucis. Tu ne t'en même pas rien. Il n'y a pas d'empressement, donc tu vas préparer chercher l'argent. C'est pas un souci quotidien de naître de nouveau pour toi, comme quand chaque jour tu te réveilles avec l'idée d'aller chercher l'argent. Pour assurer mes lendemains. Nouvelle essence, rien. On y pense que par moment. Eh hey, oui, il fallait que je naisse de nouveau. Il fallait que je naisse. Sinon, en effet, je dois naître. Oh, Seigneur, sous émotion. Seigneur, écoute-moi. Seigneur, on ne doit pas être léger comme ça. Bon côté. Et puis quand il a fait comme ça, tu ne prendras jamais tout un temps où tu ne te concentres qu'à réclamer la nouvelle naissance. Un temps de prière, rien du tout. À la volée, et quand ça devient une idée, alors tu essayes de faire une prière superficielle, et puis après, une page tournée. Voilà pourquoi ça reproduit, rien du tout. Et la question, est-ce que tu te prépares? Seras-tu vraiment prêt en réalité? Si Jésus venait cette nuit. Au-delà de la complaisance, hein, l'auto-flatterie, tu te flattes toi-même, tu te dis, oh non, moi aller en enfer, je ne pense pas du tout. Et Dieu me laisse faire une telle chose. Mais tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il faut le savoir, c'est déjà écrit. Prends ta préparation au sérieux. Sans préparation, personne ne sera prêt. Je le dis et je le répète. Sans préparation, personne ne sera prêt. Alors n'attendez pas pour grincer les dents. Pour vous dire, mais pourquoi notre pasteur et notre église aussi, tous les efforts que j'ai fournis là, vraiment, c'est pour finir ici. Mais oui, tu vas finir là-bas. Tu es averti, mais tu n'as rien fait. Tu veux quoi? Qu'on te flatte? Parce que tu es exceptionnel? Quand tu n'es pas dans la ligne, tu es dégraffé. Sois pas dans la ligne, au bois Camille. Alors, Abongo. Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Bah, vous devez vous réveiller, ce n'est pas un somnolent. C'est un réveil spirituel. On doit sentir ce réveil dans votre vie. Mais ne laissez pas ces dons-là au soir des églises de réveil. S'il y a réveil, vraiment, c'est vous qui devez les manifester. Par le genre de vie que vous menez. Montrez que vous êtes plus éclairé que les autres. Que vous avez une meilleure relation avec Dieu que les autres là. Oh, après tout, c'est une compétition. Plusieurs chercheront à entrer, mais ils ne le pourront pas. Mais il est aussi écrit que le royaume des cieux est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Luc chapitre 16, verset 16. Et Luc a zomi na motoba mulongo zomi na motoba. Ola li pongi ozangeli nyoso. O croiser maboko ogozangela nyoso. Mais obundi okolonga. Amen. Obongami okokoma prêt. Amen. Luc 16, verset 16. Luc a zomi. La loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun, s'il vous plaît, chacun use de violence pour y entrer. Amen. Ni beko na basakoli, ni zala kikino na yohana. Ndesima na yango sango malamu, na bokonji na zambe, ezali ndeko sakola mana bato nyonso. Moko na moko kiko sala makasi na ye pwete akota. Use de violence. Moko na moko kiko sala na makasi. C'est une affaire individuelle. Ezale li kabwatele mota na moto. C'est pas collectif. Ezale li sangate. Pour suivre la tendance générale, on va appeler les autres. Pota le lenga nini ba musuba ko salaka. C'est chacun. Ezale moto na moto ye moko. Use de violence. Ezale kiko sala na makasi. Et Paul a dit. On peut y revenir, hein? C'est l'ancien évangile. C'est l'ancien évangile. Que des fois nous oublions et nous mettons somnolés à nous défaire diversement. 1 Corinthiens 9, verset 25. Verset 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Compétition. Mais qu'un seul remporte le prix. Amen. Un seul. Courez de manière à les remporter. Évitez que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Amen. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moto na moto oya komekama na masano. Akomi boyisama na makambo nyonso. Bongo bakosala ka bongo mpona kozo motele mokobebaka. Nde biso pona yango ekobebaka te. Paul, c'est tire de l'eau. Paolo. Après avoir parlé de nous tous, hein. D'abord de tous et puis de nous. Et puis après, il va parler de lui, moi. Alors, biso danso, biso. Parler de ce qui le concerne, comme toi aussi, tu devrais parler de ce qui te concerne. Pas seulement dire notre église, c'est une église de combattants. D'ailleurs, pasteur, on a mis son combattant avant combattant. Dis toi aussi ça. Réveille-toi du sommeil. Nous devons nous préparer. Paul. Paolo. C'est pire alors du jeu. Ami l'ongoli nanu yemoko sa fait. Moi donc. Ponangai penza. Comme toi aussi. Je cours non pas comme à l'aventure. Nazali kopota mbam pamba pamba. Il y en a qui sont ici en train d'essayer leur chance. Ezaba okay, musisa bazala komeka. O toki de kaka. On ne sait jamais. Soki li bakuma lam. Ngai na yawate. On ne sait jamais. Nada yete soki kozala ndele. On attend qu'on ne sait jamais. Pona kozala soki ndele nini. Nazo sala on zamba sengi ngai. Pona zala qualifier. Nazali oui, je fais ce que le Seigneur a demandé de mon papa pour que je puisse être parmi. Il y en a qui viennent parce qu'on ne sait jamais. Tout ça est la bangona nous. Tout le monde a gagné ce bangonde bazala nzela. Donc comme on est un groupe on est bazala trop sérieux, peut-être que Europe ça vient un jour. Non. Arrête l'esprit aventurier. Wana masano penza ozala nango. Prends les choses au sérieux, mon ami. Zonde makamu ndenge longo bali. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Amen. Je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps. Amen. Et je le tiens assujetti. Amen. De peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Voilà quelqu'un qui se prépare à la victoire. Salam, qui pose les actes préparatoires à la victoire. Alors, ça ne peut pas la misala. Oui, ça ne peut pas misala. Pour na, il en a naie. Pour na ngai penza. Nazali kopota pamba pamba ti. Nazali kopuna na bibutu. Nde bobele ko beta ko mopepete. Kasi. Nazali de ko beta nzoto na ngai. Pe nazali ko komisa yango lokola mombo. Eti. Nazala mo boya mité awa esilinga inde ko sakwela kaba mususu. Vous vous imaginez Paul poser chacun de ses actes inconsciemment? Quand il s'était Paul à ça la sa dinini na ko sanga ko miyeba. Ou par formalité? Par habitude? Na mon message. Bon bon. Le Seigneur nous a ordonné de veiller. Paul a passé par cette étape. Et il a dit ce que je vous dis, je le dis à tous. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est que même en posant ces actes-là, attends, Paul le faisait en toute conscience. Paul avait la posture la commis à mon mobile. En veillant au grain. La polaine de la cama pas la bocana bocana. En y veillant soigneusement. La polaine de la cama de la bocana. Vous posez chacun des actes correctement. Posez le yon, ça c'est le posaire. Et le faire de manière à faire à Dieu. Posez le yon, c'est le posaire. Que Dieu l'a veillé vraiment. Et c'est l'homme. Après que Dieu ait vu qu'il l'a fait. C'est moi, comment est-ce que l'homme a monné à sa maintenant toi tu agis comment? Bon, ça c'est pour quoi ça l'a boni? Du lundi à aujourd'hui rien. Demain tu n'as aucune idée. Donc, sans blague, cette semaine va passer comme ça. Attendre l'enlèvement au hasard. Quand ça l'a connu, tu l'as marqué, bobé le bongo dans poisson. Dans le vide. Katina mon pépé, bobé le bongo. Par coïncidence. Et tes alliés camionnettes beaucoup t'annoncent. Je dois t'annoncer et cela va se recevoir. Si telle est ta manière de te préparer, tu n'y seras pas. Je suis désolé que cela déçoive. Mais il faut qu'il n'en soit ici quelque part. Il y a trop de paresse dans votre vie de prière. Trop de négligence dans la vie spirituelle. Trop d'habituation avec le surnaturel. Dieu est devenu votre grand-père. Mais si vous parlez à la légère, sans crainte ni piété, son nom est devenu de l'arachide dont vous parlez que vous grignotez. La citation même de son nom n'inspire pas crainte dans votre cœur. Et comment voulez-vous être enlevé? Nous n'avons pas à attendre dans le vide. Ni espérer du hasard un résultat positif. Mais nous sommes dans une relation personnelle avec Dieu. Lui qui est l'auteur de la parole. Lui qui a fait les promesses de l'enlèvement. Lui qui a promis le changement de corps. Il faut que notre relation avec lui se caractérise par des actes de fidélité et de loyauté. D'obéissance et de persévérance. Des choses concrètes. Et c'est ça que je vais faire dans le et Talissa, na kobongisa mana biso, na botosi mpe na bosembo, pe na misala oyo ya imemia. Moi donc, peut-être que si on les dit pour toi, si tu les lisais au personnel pour toi, est-ce que ce serait vraiment vérifiable et vrai? Nous omitangela et c'est la yo. Moi donc, toi donc. Est-ce que vraiment ça, tous les jours ici? Je cours, est-ce que toi tu cours? As-tu de l'empressement vraiment de quelqu'un qui court? Il veut gagner parce qu'il sait que si lui ne court pas, s'il traîne les pas, s'il est dans le formalisme, quelqu'un d'autre va le dépasser. Et il va gagner la victoire, lui arracher l'étoile. Ce qui a télémi, ce qui a salé coquima, ce qui a télémi, si comme quoi, ça n'a pas de coquima, pour que nous puissions faire. Que la victoire que tu espérais passera à quelqu'un d'autre sous tes regards. Frère, est-ce que tu cours vraiment? Qu'est-ce qui montre vraiment que tu cours? Que tu veux faire mieux. Car le Seigneur a dit que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, alors ils vous dévanceront. Vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Quelqu'un va passer quelqu'un d'autre. Et votre justice, votre manière de pratiquer la parole. Et ce moyen de le voici le passage de détermination. Mais quand on commence à voir les dénominations qui font mieux que vous, qui vivent mieux la sanctification que vous, les croyez le message, qui ont de la crainte de Dieu, même dans leur langage, que certains circoncis dans le milieu du message, qui racontent n'importe quoi au nom de la parole. Soki bango batana bibongiseli batali kobika bomo ikoleka yo muto sala na sango batali na bopangi na nzambe koleka nayo mutu o sala sango zali de koloba biloba bonati muto akateme pangi ngati Dieu a dit que si il y a pas de révélation prophétique, le peuple est sans frein. Mais comment trouver ce manque de frein dans la bouche des soi-disant croyants du message d'aujourd'hui, qui démontrent par leur langage et leur discours qu'ils n'ont pas de frein? Par conséquent, ils n'ont pas la révélation prophétique. La bongo nzambe moko chela kobete. Ni boto oyo ezange muni seni. Bakoye bakobi pekisati. Boni boni lelo to komona kakati na ba oyo bazali kati na sangoyo. Muno kona bango ezali na kobi pekisata moko te. Ni kotan sa polelete. Bazali ata na muni seni te. Il parle trop, mais pour ne rien dire. Bazali kola ba mingi kasha no kote na. Un bon nombre de tous les bêtiseurs qui ne font que raconter des bêtises. Des choses invraisemblables dans la Bible. On ne peut imaginer qu'un chrétien puisse dire. Ce qui veut dire une perdition totale. On n'est ni sauvé ni délivré. On est en plein ténèbres. Mais croyant être sauvé. Pire de condition. Autant mieux être dans la condition d'un perdu qui se sait perdu et qui cherche un sauveur, qui cherche le salut, que de se croire sauvé, mais de manifester les attributs d'un perdu parfait, complètement perdu. Et chacun doit user de violence. Fournir plus d'efforts. Efforcez-vous. C'est un combat, c'est une compétition. Le vainqueur, c'est celui-là qui sera qualifié. Celui qui sera le plus conforme aux règles. Quand le Seigneur a dit prier sans cesse, c'est ce que vous le faites. Toi, tu ne pries que deux fois par jour. Et tu es accoutumé comme ça. C'est ça ta manière de prier sans cesse. Des semaines et des mois, des années et des années, c'est tout ce que tu as comme formule que tu proposes à ton Dieu. Le Dieu vivant, le Dieu de Branham. Voilà les rêveries qui endorment plusieurs. Dans le concret, ils prient deux fois par jour. Mais la règle de la parole dit, priez sans cesse. Veuillez prier tout le temps. Mais toi, tu ne fais pas étudier. Tu veux quand même espérer être vainqueur. Vainqueur de quoi? Par médiocrité. Par fainéantisme. Par ineptie. Mon ami, sans préparation, personne ne sera prêt. Sans préparation, personne ne vaincra. Tenez-le pour dit. Moi donc, je cours. Et pour courir, il faut s'exercer. On ne se lève pas brusquement comme ça, tu commences à courir. Hein? Définir en chute libre, au sol. À cause de l'impréparation. Oh! Moi donc, je cours. Je t'exhorte, frère et soeur, à courir. Toi, église, je t'exhorte à courir. Parce que c'est une compétition. Et Dieu a besoin du meilleur qualifié. Le plus conforme aux critères. Le plus conforme aux règles. Le plus conforme à tes paroles. Dieu a besoin de cela. Moi donc, je cours. Non pas comme à l'aventure, mais c'est une course vraie et consciente. Il y a des règles à respecter dans cette course. Je frappe, non pas comme battant de l'air. On n'envoie pas des coups dans les vides comme des fous. Le combat spirituel, c'est pas comme ça. Le coup doit être ciblé. Tu dois savoir si tu combats contre quoi. Je parle chasser les démons. Allez dans l'Église Saline. Tu le dis, il passe de quelle parole qui t'a dit que quand tu chasses les démons, tu dois leur indiquer l'endroit où ils doivent aller. Qui t'a dit ça dans la parole? Où tu te mets dans l'état d'agitation? T'as pas les mains, t'as pas les pieds? Quelle est la règle de la parole que tu appliques quand t'as pas les mains, t'as pas les pieds? Pour chasser les démons. Quand tu ne fais pas ça, tu n'as pas l'assurance que les démons t'aient écouté ou qu'ils soient partis. Tu dois taper les pieds, je dois sentir l'onction. Il y a une règle de la parole qui a dit ça. Jésus a dit simplement, en mon nom, ils chasseront les démons. Faites ça, dit Dieu, que vous le comprenez là. Et son nom, chasser les démons, point barre. Dis aux démons, sors, c'est tout. Jésus dit, quand il chassait les démons, c'est divin modèle. Est-ce qu'il s'obligeait lui-même à dire déjà aux démons qui étaient dans les gens, bon, écoutez, je vous chasse, mais je vous envoie dans les cochons. Quand il a chassé un esprit qui était sourd-muet, il l'a envoyé où? La Bible dit, il disait à cet esprit, sort de lui. Bima. C'est ça la parole. Maintenant, nous, on doit s'obliger. Et on fait des séminaires, les dénominationnels forment les gens à chasser les démons. Et on leur dit, au moins, mili mumabe, ce qu'on t'a dit si bangwe si kaba sengele go kendete, pa ko zoga. T'as la formation. Ils disent aux gens, vous devez. Mais où est-ce que Dieu a dit, vous devez leur indiquer où ils doivent aller? C'est écrit où? Nulle part. Tenons-nous-en à la parole. N'est obligatoire que ce que Dieu a exigé. Quand Dieu n'oblige pas, vous faites attention. Avec ce que les hommes vous obligent. Ok? Amen. Moi donc je cours. Non pas comme à l'aventure. Je frappe. Non pas comme battant de l'air. C'est pas dans le vide. Au hasard. L'essayage. Mais j'identifie l'adversaire et je destine mes coups à tel adversaire. Jésus a dit, esprit sourd et muet. Ou esprit impur sourd et muet. Il est ciblé, identifié. C'est cela. Bongo. Jésus a dit, ils chasseront les démons. Ce que l'appelle les démons, appelle les démons. La parole t'a autorisé de chasser ce qui s'appelle démons. Mais il ne nous a pas dit, allez suivre un séminaire pour découvrir quelques noms de certains démons. Maintenant, quand vous regardez la catégorie d'où sort la personne, vous savez que lui, il doit avoir tel démon, appelé tel et tel et tel. Chaque fois que vous serez devant une personne de cette catégorie, chassez tel démon. S'il est originaire de Bangala, chassez tel démon parce que certainement il y en a là-bas. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Chasse le démon tout court si tu ne connais pas son nom. Mais que tu es sûr qu'il y a un démon. Par les caractéristiques qu'il manifeste. Cite-les et pousse-les dehors. Il t'écoutera, il t'obéira. C'est la foi qui règle l'affaire. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Kasi nazali na kopeta nzoto na ngai mpe na kokomisa ka yango lokola maombo ete nazala moboya mite awa esili ngai kosakwela ka bamosusu. Bien aimé, nous avions essayé d'illustrer la préparation avec l'histoire des dix vierges. Balingami tolingaki kotalisaka ndeko bongisama na lisolo oyo ya basika zomi. Alors quand nous retournons dans Matthieu 25, ikozonga kabiso na matai tukumbele na mitano, le verset 10 à 13, mulongo ya zomi kino zomi na misato, l'écriture nous dit ceci, likomilo bina biso boyi, le vierge Paul, vous savez, ils sont allés acheter de l'huile, basse kanabolema bakenda kiko plus tard que prévu donc, na simana tango koleki, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, ikenda kibango na kosombaka mobali na libala haiti. Oui, après avoir parlé de la préparation au verset 7, vient maintenant le tour du mot être prêt au verset 10. Après le temps de préparation donc, vient le temps de l'entrée et d'être prêt. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Celles qui étaient prêtes. Et kei bango kosomba, mobali na libala ayei, pe bango babongi, ba ingela kesika moko na ye kino, libala, mpe ekuka ekangami, ba oyo ba milengela kinde, ba kotaki. Ba oyo, ba parce qu'elle s'était préparée dans le temps de préparation. Fete ba bongisama kina tango yako bongisama. Et se sont préparés selon les règles établies. Ba bongisama kipela moko na makalema oye siliko chana. Pas chacun selon ses idées, ses opinions, ses amis. A sa manière. Mais celui qui voulait les faire entrer a donné des consignes à respecter. Oyo alingaki ate bakota nde apesaki bango lolenge oyo esengeli ete basalela. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il faut par conséquent veiller. Agir avec conscience. Mpe balobi ete, nkolo, nkolo, zipwele biso. Ndeye azomisi munoko ete, nazali koloba na bino sole ete, na yebi ata binote. Bongo, bukenge la kampo ete, boyebi, mokolo, soko, tangote. Ete vous là? Vous allez là, non? Au temps d'Esther, na tango na yesetele, quand le roi Assyrus, tango mokonzi akeul, a eu des problèmes avec la reine Vasti, la première dame, la décision avait été prise en conseil qu'elle soit repudiée et ne paraisse plus en présence du roi en tant que reine. Ensuite, on a sorti un ordre d'aller rassembler les vierges. Ici dans Esther au chapitre 2. Verset 2 et 3. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi de jeunes filles vierges et belles de figure. Et que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les filles, les jeunes filles vierges et belles de figure assises, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des gays et nuques du roi, et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. La préparation. Tikapa ete mokozi apesa. Apesa mikolo mosalakati nandako nyonso na bokonzi na ye mpona koyanganisa bilenge basi nyonso na bonzenga epai na ndako na basi na susana. Ndako monene na nse na lokumu na yege. Ye mokube na mokonzi. mobate linabasi kikampe ete ba pesa mela mafuta na malasi pona komi petola. Voyez. Et au verset 4, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut la probation du roi et il fit ainsi. Ça, c'était une préparation à travers une compétition. On a rassemblé un grand nombre de jeunes filles vierges. Toutes étaient vierges. Toutes étaient belles de figure. Il n'y avait pas de laide là-bas. Mais une seule devait remporter. Mais dans le temps de préparation, nous lisons verset 12, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyros, après avoir employé 12 mois, c'est un temps, 12 mois. Il en est donc à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Mais remarquez, on ne devait pas utiliser chacun ce que l'on pensait, mais on ne devait prendre que les choses nécessaires qui étaient prescrites. Et comment tu t'en vas na elenge moi si ete aingela epai na mokonzi ase hulusu. Si mana kozala na sansa zomi na mibale nanse, na mipeko pe pona basi. Oyo ezala kitango pona ko peto la bango sansa motoba na mafuta la mola. Sansa motoba na malasi mpe na mafuta makopakola ka basi. Tala ete awa, mwana mwasi mokote asale la kioye ya kina mutuna yeto mafuta waya abanda wa te. Chaque jeune fille vierge et belle de figure se prépara à devenir la prochaine première dame. Mais elle ne devait s'acquitter que des choses qui étaient prescrites par autre chose. Parmi les gens qui sont en train de se préparer aujourd'hui au retour de Christ, parce qu'ils y croient comment? Parce que nous utilisons la même Bible. Nous sommes nombreux à utiliser les mêmes écritures. Mais façon, la manière d'utiliser cela diffère. La manière d'appliquer les prescriptions diffère. Tout dépend de l'enseignement et de la compréhension de chacun. Il y a des encadreurs qui induisent les autres en erreur. Qui les poussent aux excès et parfois au retranchement. Mais ce que Dieu veut, c'est la fidélité parfaite. Dieu attend la foi parfaite. Que vous fassiez ce qu'il y a vraiment dans sa pensée. Et c'est comme ça que le roi Assyros, appelé dans l'histoire profane Artaxerxès Ier. Ce roi-là, il avait une idée de ce que devrait être sa prochaine femme. Après tous les déboires de la reine Vasti, qui était à cette place et qui en a abusé. Malgré tous les entraîneurs à côté, il était difficile d'entrer dans le cœur du roi et de connaître quelle est sa pensée. On est soumis au même traitement presque. On nous a donné les mêmes prescriptions. Apparemment, nous pratiquons la même religion. Mais le roi a un secret intime qui va orienter sa décision et son choix. Il n'allait pas prendre toutes ces femmes-là, mais il allait prendre une seule. Et la question dans la Bible, qui a connu la pensée du Seigneur. Nani qui choisira l'église épouse qui sera enlevée. Et qui a été son conseiller? Qui a connu? Et qui a été son conseiller? Et Paul répond, mais nous, nous avons la pensée de Christ. Paul Christ. Nous sommes soumis aux mêmes prescrits, les mêmes écrits sacrés. La Bible, mais les pensées secrètes de Christ. Christ. Il les révèle par les prophètes messagers. Et ça vous met dans une meilleure position de préparation. Et vous allez certainement surpasser quelqu'un d'autre qui est dans les généralités. Êtes-vous là? C'est ainsi que ne négligez pas le message de votre temps. Il révèle les pensées secrètes du Seigneur. Il révèle les mystères de Dieu. Toi, exploite les mêmes écritures. Tu sois mieux inspiré et jugé plus fidèle par celui qui a le dernier mot. Que Dieu te bénisse. Si tu comprends l'importance de ce que nous disons là, que Dieu te bénisse richement. Et il faudrait que les effets de cette bénédiction se produisent. Non. Nous avons vraiment besoin des effets de cette bénédiction sur votre vie. Pour que votre préparation à vous ne soit pas vaine. Mais qu'elle aboutisse à un résultat certain, la victoire et l'enlèvement. Êtes-vous là? Vous allez voir, hein? J'aimerais vraiment que la pensée de Christ révélée contenue à travers le message. Mais ce sont les pensées des Écritures que Dieu dévoile par la bouche de ses messagers. Or, si vous vous êtes correctement enseigné et entraîné, vous ne prendrez pas les pensées des Saintes Écritures qu'il y a dans les messages pour les comprendre hors des Écritures. Mais vous trouverez leur correspondant dans les Écritures et il y aura une alliance parfaite entre la parole parlée de l'heure et la parole écrite dans la Bible. Amen. Pensée correspondant à l'Écriture. Nabongo makanisi na Kristo oyo Paulo alobete tozalinde na makanisi na Kristo ezalinde makanisi oyo ezali kati na liloba na Nzambe oyo ekomami na liloba oyo ekomami wana nde pesameli emoniseli yango na nzela na mosakoli tango mosakoli ezali kopesa oyo yango okomona ete makanisi wana efungoli yo malamu okokisama ezala liloba lilobami na ntango oyo na makanisi ezala na lolenge moko kasi ezala na bokeseni te et c'est là que tu as la bonne inspiration. Et au final, Dieu reconnaîtra l'inspiration authentique qui a opéré dans ta spiritualité. Et il te comptera parmi les vainqueurs. Parmi les éligibles à l'enlèvement. Que Dieu bénisse ta préparation. Je veux que tu sois prêt. Amen. Mais nous l'avons dit, répétez ce soir, sans préparation, personne ne sera prêt. Sans préparation, ni l'homme, ni la femme ne sera prêt. Alors là, attendez l'enlèvement à tout instant, comme on l'a dit dimanche. Allez, c'est pas tellement les histoires des anges de l'église, envoyez ici l'inango, et puis tout le monde là-bas. On vous dit d'attendre l'enlèvement, et puis vous êtes allés seulement dans les calculs des années, et les 2023-2026, les histoires de 2021. Bon. Attendez l'enlèvement à tout instant, mais dans quel état? Par quel genre de difficulté? Sans préparation, nul ne sera prêt. il nous faut nous préparer à l'enlèvement. Chacun doit le faire. Et ici, au temps d'Esther, c'est Esther qui a été élue. Et en ce temps ici, Dieu possède son épouse. Il se prépare selon sa pensée. Parce que Dieu sait à qui il a confié la mission de préparer cette épouse. Et qu'est-ce qu'il lui a confié comme consigne? Et c'est le message de cette heure. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous pour la prière. Près de toi, on va chanter ça en lingala. Bene na yo. Le vieux, notre nouveau cantique ici. Thanks, ça. Bene na yo. Puisqu'il aussi te tenir si près de lui. Page 18, Bene na yo. Numéro 55. Bene na yo, Zambé. Bene na yo. You, God, man. Sincèrement, de tout cœur. Et si c'était la dernière fois qu'il t'était accordé de prier, comment le feras-tu? Car nous connaissons ni les jours ni l'heure. Nous devons être prêts à tout instant. Prions chacun. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, après avoir écouté l'Évangile, nos cœurs sont concernés. Si ce n'était pas le cas, nous aurions quitté la salle il y a longtemps. Et nous pouvons presque jurer de ne pas revenir. Mais nos cœurs s'attachent à ta vérité. Nos cœurs aiment ton royaume. Ce monde ne nous dit pas grand-chose. Il exerce des influences perverses pour nous amener du mauvais côté. Mais nous lisons, Seigneur, nous faisons. Ayant compris que nous devons vaincre, il faut vaincre le monde des pères. Comme nous l'avons chanté au début de la prédication. C'est la fin, c'est la fin. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre le monde des parties. Sans préparation. Personne ne sera prêt. Nul ne sera prêt. Dieu de grâce. Aide mon frère. Amen. Chaque frère de nôtre. Chaque frère chrétien. Amen. Qui entend ce message de l'heure. Où qu'il soit paix. Qui entend cette parole. Aide-le, Seigneur Jésus. À prendre au sérieux sa préparation. Non pas dans les illusions. Non. Dans la naïveté. Mais concrètement. En veillant au quotidien. À travers les actes préparatoire. D'une personne qui veut réellement vaincre. D'une personne qui tient à être enlevée. D'une personne qui veut finir en triomphe. Tu veux surpasser quelqu'un d'autre. Parce que malgré tout, c'est une compétition. Aide-nous à ne pas être naïfs. Ni inerte, ni oisifs, ni passifs. Rechercher de nous actifs. Aide chaque soeur, Seigneur. Qui entend ce message. Où qu'elle soit. Quel que soit son âge. Aide chaque soeur. À se préparer sérieusement. Consciemment. Assidûment. À travers du concret. Mais en ayant la foi à la base. La foi que toi seul tu suscites. La foi que tu amènes à la perfection. La foi qui ne s'appuie que sur ta parole, qui prend vie en moi chaque fois, et tout le temps, donne à chacun cette foi. Donne-nous cette foi, Seigneur. Exauce nos prières. Entre nos supplications au nom de Jésus-Christ. Nous voulons ne pas manquer, mais gagner. Nous voulons ne pas stationner, mais progresser. Exauce-nous de tout cœur. Exauce-nous dans son amour. Fais-nous grâce et miséricorde pour que le but reste la volonté de Dieu, le plan de Dieu, toutes ces réalisations se concrétisent à travers nous. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, nous te prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement.